ça devait arriver. Ta bonheur cauchemar prémonitoire, ça devait arriver. Leur connerie m'ont promis à l'histoire, ça devait arriver. Depuis tant que je suis promu à l'espoir, ça devait arriver. Comme si ça devait péter soir, ça devait arriver. Ta bonheur cauchemar prémonitoire, ça devait arriver. Leur connerie m'ont promis à l'histoire, ça devait arriver. Depuis tant que je suis promu à l'espoir, ça devait arriver. Comme si ça devait péter soir.